MTL les 11 et 12 août au Parc Jean-Drapeau. Billets en vente maintenant sur heavymtl.com. En collaboration avec Jägermeister et présenté par Evenco. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir à tous, je m'appelle Jean-François Lusignan. Bienvenue à l'émission Le Terminus, une émission dédiée au rock indépendant de la scène locale et d'un peu partout dans le monde. Alors, on sera ensemble pour la prochaine heure. Vous allez entendre, justement la prochaine heure, de la musique de Yellow Ostrich, Bombay Bicycle Club, Twilight Sad, Civil Civic, Navet Confit et le classique de la semaine qui sera Mud Honey. Et ce soir, c'est une émission un peu spéciale. Habituellement, je suis habitué de faire les émissions en direct. Eh bien, ce soir, c'est préenregistré, alors pas besoin de m'appeler. Je ne répondrai pas. Et alors, on va débuter tout de suite avec le groupe norvégien The Mecaphonic Thrift, qui a sorti en février dernier son deuxième album en 2 ans quand même. C'est un album qui s'appelle The Mecaphonic Thrift, donc un album homonyme. Le groupe a un son d'inspiration shoegaze, on pourrait dire, là, avec beaucoup de reverb. Voici la chanson Swan Song sur les ondes de CISM. Close enough. les Montréalais de We Are Wolves avec Holding Hands, tiré de leur dernier album Invisible Violence qui date de 2009. Et après avoir tourné l'année dernière avec leur projet parallèle un peu plus électronique qui s'appelle Class, les gars seraient, il semblerait, à travailler actuellement sur un nouvel album donc de We Are Wolves, ce qui est quand même une très très bonne nouvelle. Donc du nouveau We Are Wolves peut-être dans les prochains mois à venir. Super intéressant. Et vous avez aussi entendu dans le dernier segment, qui était le premier segment de l'émission de ce soir, la musique du trio californien Surf Club, qui font une espèce de pop rock surf assez estival. Merci. Et on va poursuivre maintenant avec le classique de la semaine. Cette semaine, c'est un groupe de Seattle qui s'est formé en 1988 et qui est toujours actif. Il s'appelle Mudhoney, un groupe là, phare de la période grunge du début des années 90 avec d'autres bands là, du même coin comme Nirvana, Soundgarden et Pearl Jam. Ensemble, ils auront formé vraiment le début du grunge dans ce coin-là et un peu partout dans le monde finalement. Et à la fin des années 90, le groupe a été un peu plus de difficultés. Ils ont même été largués par leur étiquette, la Reprise Records, qui est insatisfaite de la vente de disques. Mais pour leur 20e anniversaire, qui était en 2008, le groupe du leader Mark Arm a sorti un nouvel album qui s'appelle The Lucky Ones, avec toujours autant de distorsions. La preuve qu'ils ont toujours quand même quelque chose à proposer de pertinent, le groupe Mudhoney. Et de l'album Every Good Boy Deserves Fudge, sorti en 91. On écoute tout de suite la chanson Let It Slide de Mudhoney à l'émission Le Terminus. Sounds so nice. Everybody's got a problem. ces choses avant de dormir. Ton cœur, mon cœur, son cœur, mon cœur en papier. Tu détruiras toutes ces choses avant de t'enfuir. Entre les ombres dans les films de monstres. Si j'ai tendu du beurre. sur les ondes de CISM. C'était Moon Face, le projet de Spencer Krug, ex Wolf Parade, également homme derrière le projet Sunset Rubdown. C'était la chanson Yesterday's Fire de Moon Face. Et juste avant Moon Face, on entendait du Navet Confit avec Film de Monstre, qui se retrouve sur la dernière production du Navet, EP5, Platitude Confortable, qui remonte à 2009. Et on devrait assurément avoir du nouveau matériel de Jean-Philippe Fréchette, puisqu'il a joué il y a quelques semaines, je crois, les chansons qui se retrouveront sur son nouvel album à paraître plus tard cette année. Il a joué ça, je crois, c'était au Quai des Brumes, là, il y a quelques semaines, en début de printemps. Et on sait déjà que l'album s'appellera La vérité sur Noël. Alors, très intriguant comme nom d'album. Et pendant ce temps-là, l'excellente chanson issue de la collaboration entre Navet Confit et le Nil, qui est un peu plus électronique là, et qui s'appelle « Pendant que tu fais de la poudre aux toilettes », était encore là, sur le palmarès de CISM aux dernières nouvelles, là, pas loin du top 10, il me semble. Alors voici maintenant ce qu'on va entendre, ça va être du Yellow Ostrich, une chanson tirée de l'album « Strange Land ». Marathon Runner, ça c'est le nom de la chanson. Il sera suivi d'une belle découverte cette semaine, Recallless. Bonne écoute. Inside. it's everyone. I am everyone. Swordfish shadows blocked with smoke. Bed is broken. Ocean's calling. Take it easy. I'm just walking. Save my pieces in peace and roaring. Fire from the big hole up in the sky. Make me promises. Bring me anything. Everything is glass wings, fragile walls. I think you're sick. I think I'll have to call the doctor to give you some Clarence. Why are you jumping up and down like that? Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Le Terminus avec Jean-François Lusignan. Et ce qui vient de jouer, c'était Moussette avec la chanson Les Fauves de l'album Le Club Alpin. Et c'était précédé de Recallus, le projet super cool du Floridien Richard Collado, qui était enregistré, là, cet album-là, Coyote and Mule, sur, il semblerait en tout cas, sur la même 4 pistes qu'il utilise depuis qu'il a 16 ans. Et le gars, je pense qu'il est maintenant dans le milieu de la trentaine. Et ça donne une collection, cet album-là, une collection de bijoux indie-pop assez lo-fi là, qu'il faut absolument découvrir. Je vous recommande fortement Recallus. Et je mettrai d'ailleurs le lien sur le site de l'émission, leterminus.ca. On va poursuivre tout de suite avec les Dale Hawerchuk fous parlants au 89.3 CISM. Yeah. owe you anything. I'm ready to owe you anything. De leur premier album, 14 Autumns and 15 Winters, c'était de Twilight Sad avec la chanson Mapped by What Surrounded Them. Pas évident. Le groupe était d'ailleurs venu nous voir l'hiver dernier pour nous présenter son dernier album là, qui était vraiment très très bon également. Et c'était tout un spectacle. Hein. Le chanteur du groupe là, a une attitude assez théâtrale sur scène. Là. On sent de façon peut-être un petit peu excessive parfois les émotions de chaque chanson. Et en tout cas, on va peut-être souhaiter qu'il repasse nous visiter bientôt, quoique le groupe se trouve en Écosse. Donc, les tournées sont habituellement pour promouvoir un nouvel album. Donc, il faudra attendre peut-être quelques années pour les revoir. Et avant Twilight Sad, il y avait aussi Bombay Bicycle Club avec la chanson Evening Morning. On va maintenant entendre un groupe anglais qui font dans une espèce de post-punk instrumental. Et en fait, c'est une suggestion du groupe Peter Kernel qui était ici dans les studios de CISM la semaine dernière pour une entrevue. Il me suggérait de découvrir le groupe qui s'appelle Civil Civic, avec qui on jouait dans le cadre d'une tournée européenne. Alors, on va tout de suite entendre une chanson qui se trouve sur leur seul album, je crois, qui s'appelle Rose et qui est sorti l'année passée. C'est disponible sur Bandcamp. On va entendre tout de suite. Donc, chanson Street Trap de Civil Civic sur les ondes de CISM. We'll be right back. Le volume était au maximum avec la chanson Les Bonbons. Et ça, ça se retrouve sur Extravaganza, qui est sorti l'année dernière. Et ça complétait un segment rock un peu, ou quand même pas mal dansant, qui avait été commencé avec Civil Civic et la chanson Street Trap. Et bien, si vous voulez réécouter l'émission de ce soir, vous allez pouvoir retrouver ça sur le CISM893.ca. Vous allez pouvoir télécharger l'émission, également retrouver la liste des chansons que jouer. Et aussi, en cliquant dans la section « Émissions », retrouvez l'adresse courriel pour me rejoindre. Dans quelques minutes, ce sera Étienne Champagne qui sera avec vous pour les deux prochaines heures avec l'émission « Rythmologie ». Ensuite, ce sera 12 pouces dans le jazz qui va suivre jusqu'à minuit. On va se quitter avec la musique de Charlie Foxtrot, « Le monde est beige ». Je m'appelle Jean-François Dusignan. Passez une très bonne fin de soirée. On se reparle la semaine prochaine. Ciao! Culture Artists League présente le groupe de musique afro-latine Umoja Band. Umoja Band inaugurera le nouveau restaurant Noir d'Ébène situé au 5637 Avenue du Parc le 14 juillet lors d'un souper-spectacle. Venez goûter au mets d'Afrique et des Caraïbes dans une ambiance décontractée et avec une musique festive. Umoja Band au restaurant Noir d'Ébène le 14 juillet. Bonjour, j'espère que ça va bien. Sur les ondes de CISM 89.3 FM, La Marge. Quel bonheur. Vous nous faire jouer la bonne musique, hein? On va essayer du moins, on va essayer. C'est ce qui arrive quand on a un iPod Shuffle à la place du cerveau. Ça me surprend pas. Dans notre parcours sonore incroyable qui nous amène dans les hauteurs les plus vertigineuses jusqu'au bas fond marin. Non, excusez. Excusez-moi. Merci d'avoir été là. Mon corps en tremble encore. Et ce n'est que pour vous, chers auditeurs de CISM. Vous le valez bien. 89.3 FM, La Marge. Bonne semaine. Hey,